soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Toutes les images du livre. Est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 16 mars 2026. Une nouvelle semaine qui s'ouvre, une nouvelle semaine de campagne, une nouvelle semaine de festival. On vous le rappelle, depuis le 21 février dernier jusqu'à ce 22 mars, sur Dio, c'est un festival radiophonique qui vous est proposé. Un festival radiophonique contre les idées nationalistes, racistes et discriminantes. Je vous en rappelle l'intention et le propos. En 1986, c'est la sortie du morceau « Porcherie » de Berruyer Noir, mise en son de l'inusable slogan « La jeunesse emmerde le Front National ». En 2006, Diams chantait « Marine » devant un zénith complet. 4 ans après l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles et peu avant l'élection Karcher de Nicolas Sarkozy. En 2026, le monde a changé. Les mots discriminants ont infusé dans de nombreuses lois et orientations politiques. Ces mots se sont complexifiés, multipliés. Il devient difficile de différencier clairement les limites du libéralisme, des intégrismes, de la désinformation médiatique, des dominations mensongères ou de la manipulation réactionnaire des plus fortunés. Radio Dio pratique depuis toujours un cordon sanitaire et refuse de donner la parole à l'extrême droite. En ce mois de février et mars 2026, en tout cas depuis le 21 février dernier, et pour lancer symboliquement les différents scrutins électoraux à venir, ces prochaines semaines, ces prochaines années, eh bien nous avons décidé de vitaminer ce cordon. Et depuis plusieurs mois, beaucoup de nos émissions ont travaillé pour se rassembler et donner de la voix face à celles et ceux qui favorisent les dominations. Et donc, on vous offre depuis le 21 février dernier, et encore pour cette semaine jusqu'à ce 22 mars, plein d'émissions spéciales, de conférences enregistrées, de pépites et de diffusions exceptionnelles. 4 semaines contre la bêtise, la peur et la haine. 4 semaines pour s'émanciper, pour transformer, pour partager. 4 semaines dont vous avez peut-être déjà suivi en partie le programme. En tout cas, on arrive là dans la dernière ligne. Droite, extrême droite. Difficile de faire l'impasse après ce 15 mars 2026. En tout cas, dernière ligne droite pour ce festival, 4e semaine, qui s'ouvre donc finalement aujourd'hui, lundi 16 mars, et c'est au travers de ce magazine, des mots, des sons sensibles, eh bien que je vais vous proposer de lancer cette 4e et dernière semaine avec un retour sur ce premier tour des élections municipales à Saint-Étienne hier. Élections municipales et extrême droite, j'avais intitulé ainsi une sorte de pseudo-titre à cette émission et ce programme. Eh bien oui, élections municipales et extrême droite, c'est tout ce dont il va être question. Je le disais, difficile de faire l'impasse après un record historique, en tout cas des résultats historiques pour l'extrême droite à Saint-Étienne hier soir. On va dérouler tout cela tranquillement durant près d'une heure ensemble. Nous étions et j'étais hier soir en préfecture à Saint-Étienne pour suivre les résultats de ces élections municipales. On va faire un focus stéphanois avant tout. Ce sera la ligne force de ce programme aujourd'hui, de ces résultats et des réactions que j'ai pu recueillir hier soir en préfecture. On va néanmoins ouvrir tout cela en musique. Tentons un peu de aussi prendre du bon temps, du bon ton, du bon son aussi entre les oreilles. Ça fait aussi toujours du bien et c'est bien souvent aussi toute l'intention de l'art et de la musique au sens large, et une esthétique qui me semble tout à fait bien refléter finalement l'ambiance et le propos du jour. On va être dans un registre très afrobeat, avec tout ce à quoi est associé aussi bien sûr cette musique dans son registre finalement au-delà festif, mais aussi très politique et militant. Voilà un album qui vient de paraître, il s'intitule Time Out. C'est le groupe Malted Milk que je vous propose de retrouver en ouverture de ce programme, avec justement le titre, la 8e plage qui donne le titre de cet album, Time Out, featuring le BIM, le Bénin International Musical. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Time out, temps mort, comme une injonction à suspendre le cours des événements pour se projeter dans un futur plus serein. Tel est le titre de ce 8e album du groupe Malted Milk, de l'afrobeat obsédant du titre éponyme que l'on vient d'écouter au Bungalow décadent de I Feel Numb, en passant par la ballade What Night ou encore le funky It's Alright. Le groupe affirme sa grande maîtrise des arrangements, sa capacité créative et sa faculté à revisiter donc le genre musical afrobeat soul funk, à la star du précédent album 1975. On y retrouve Marco Cinelli à l'écriture et à la production, qui apporte au groupe cette plus-value sonore et esthétique indéniable. La traduction en live de cet album porte la marque de fabrique de Malted Milk, à savoir précision, énergie, talent instrumentiste et cohésion du groupe Malted Milk, qui démontre encore une fois sa force de proposition musicale et affirme la place particulière que le groupe occupe sur la scène, on va dire, funk soul actuel. C'est sorti via Blues Production, 8e album du groupe Malted Milk, qui est sorti ce 27 février dernier, il y a tout juste quelques jours. C'est un des partenariats Ferra Rock cette semaine, notre Fédération Nationale des Radios Rock aux Musiques Actuelles de France. Double proposition chaque semaine, donc Metal Mink pour cet album Via Blues Productions, sorti le 27 février dernier. Qui dit partenariat dit, vous le savez, hein, présentation quotidienne sur nos antennes, dans la mesure du possible, diffusion, donc annonce et jeux concours, même s'il n'y a pas de jeux concours organisé pour ces artistes cette semaine. L'autre proposition, justement, et j'en viens, c'est Vera Daisies pour l'album Clever Girl, qui est sorti le 16 janvier via Grand Records. Vous avez toutes les infos via le site dédié ferrarock.org, et puis vous retrouverez cette fin de semaine, ce sera jeudi 19h, vendredi midi et lundi prochain 8h, le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, avec donc une interview de Vera Daisies assurée par Radio Méga. C'est Radioactive de Bretagne, Saint-Brieuc, qui a assuré l'interview rencontre auprès de Melting Milk à la découverte de ce Time Out. Et puis vous retrouverez un petit module carte blanche avec une interview de sport réalisée par et avec le soutien de Canal B. Voilà pour Dig Dig Diggers et les partenariats Ferra Rock de cette semaine. Allez, on ouvre ce programme des mots, des sons sensibles, comme je vous le disais, en retour sur ce premier tour des élections municipales qui se tenaient ce lundi 15 mars. Vous le savez, élections municipales 2026 en deux tours, 15 mars et puis dimanche prochain, bien sûr, pour ce second tour prévu le 22. Donc, eh bien, allez, on va tenter de vous faire un petit retour à chaud, chose non évidente, je dois vous le dire. On va en écouter quelques extraits, retour en ondes d'ici un instant, avec quelques réactions recueillies hier en préfecture. Alors simplement, sans rentrer dans le détail, c'est une analyse un peu laborieuse et fastidieuse que de faire ça en si peu d'heures finalement. Juste revenir sur quelques tendances et on va rester au niveau local essentiellement et départemental notamment. On ne va pas insister sur la tendance générale et nationale, celle eh bien, d'une érosion finalement aussi de la démocratie, peut-être bien via les taux de participation bien faibles et donc taux d'abstention plutôt élevé, et puis une percée des extrêmes, alors à la fois de l'extrême gauche avec la France insoumise, mais aussi et surtout de l'extrême droite. Et vous l'avez entendu et compris en ouverture de ce programme, c'est aussi ce dont il va être question durant ce programme aujourd'hui. Tendance au niveau local et départemental. Alors vous dire que sur la Loire, qui compte 320 communes, il y avait 422 listes en lice. Alors 4 communes sans candidat dans la Loire. Et oui, donc ce qui ramène à 316 communes concernées hier par les élections, puisque pour ces 4 communes restantes, il va falloir étudier la possibilité de gestion des affaires courantes sous les formes légales et juridiques adaptées et appropriées. On peut noter 185 communes sans panachage pour cette édition 2026 des élections municipales. 238 communes ne comptaient qu'une seule liste, c'est-à-dire que bien pour ces 238 communes, une élection dès ce premier tour, en grande partie. Et puis, 62 communes avec deux listes qui s'affrontaient l'une face à l'autre, et seules 16 communes comptaient trois listes ou plus. Alors, pour vous faire un état des lieux, ce sont donc 300 communes, comme je le disais, à une et ou deux listes, hein, 238 avec une seule liste, 62 avec deux listes, qui montent bien à 300 communes. Et seules pour ce second tour, seules 8 communes seront présentes. En effet, puisque eh bien, pour le reste, vous savez qu'il fallait recueillir au moins 50% des voix pour ne pas figurer au second tour, ce qui va être le cas pour la majorité d'entre elles. Alors voilà donc ce qui va se passer en grande partie, ce que l'on peut noter au niveau départemental, c'est un taux de participation à 52,38%. Seules 8 communes au second tour, je le disais. Alors j'ai tenté de comptabiliser tout cela en effet. Pour ces 8 communes, je vais vous les livrer. Hein, il s'agira en quadrangulaire, hein, c'est-à-dire avec 4 listes au second tour. Saint-Étienne, Saint-Chamond et Firminy, 3 communes concernées. Et pour le reste, eh bien, ce seront des communes concernées par des triangulaires avec Roanne, Lorette, Vauche, Saint-Romain-le-Puy ou encore Saint-Germain-l'Espinasse. Tout cela, livré à ce jour, temps et heure, c'est-à-dire ce 16 mars à midi passé de 15 minutes, même si vous le savez, c'est un peu aujourd'hui que tout va se décider, étant donné que ce sera demain, mardi, un peu dernière ligne droite pour pouvoir se présenter donc au second tour. Ce que l'on peut noter, ce sont quelques surprises quand même dans la Loire, avec quelques petits changements du côté, par exemple, de la Talaudière, qui était traditionnellement à gauche, ou sans étiquette, avec Pascal Guérido notamment, mais ensuite et depuis par Ramona González-Gray, qui a dû céder finalement son siège de première magistrate à Domenichini, notre femme, qui prend finalement donc la suite sur cette commune de la Talaudière, et puis Rive-de-Gier également, commune du Gier, comme son nom l'indique, qui bascule à droite, et là aussi traditionnellement à gauche. Marc Petit est en tête à Firminy, mais comme je vous le disais, là aussi tout va se jouer en quadrangulaire pour le second tour du côté de cette commune. Ça, ce sont pour les petites surprises, sans entrer et sans être trop exhaustif. Ce que l'on peut noter, et surtout, c'est une percée en effet de l'extrême droite et du Rassemblement National, même si l'on sait finalement que c'était attendu. Alors des villes, grandes villes, sur lesquelles aussi était portée une attention particulière, on pense à Marseille, mais d'autres communes encore du sud, garder des villes certes pour l'extrême droite, faire élire surtout le maximum de conseillers municipaux, et puis dans ce cadre-là, préparer une réserve de voix pour des votes futurs, dont notamment les sénatoriales prochaines, partielles certes, mais avec ce que l'on nomme les grands électeurs, c'est-à-dire des élus justement, conseillers municipaux et autres qui vont pouvoir se prononcer et voter pour des élus au sein de ces assemblées. Et puis il y a bien sûr les présidentielles en perspective. On rappelle que le RN avait perdu 40% de ses conseillers municipaux en 2020, mais il y a eu aussi les européennes, il y a eu les législatives, et on sait que c'est à ce niveau-là, au niveau européen et national, que se joue la vraie force de l'extrême droite et du Rassemblement National, alors que plutôt véritable faiblesse au niveau local, ce qui peut-être bien a été démenti hier au vu des résultats de ce premier tour. En tout cas, un Rassemblement National et une extrême droite qui veut des élus. C'était au niveau national 763 listes avec ses alliés sur 34 875 communes, ça y est, je vais y arriver, c'est donc deux fois plus qu'il y a 6 ans, et en mesure donc de faire plus de 10%, ce qui fut le cas hier. Alors certes, il y a eu ce travail de banalisation, je dirais, de faire place nette en termes de communication et autres, des candidats, candidates au sein de ce parti, 37 députés RN qui se présentaient au municipal, et puis toujours, malgré tout, et la presse heureusement aussi fait son travail de repérage et de dénonciation de ce que l'on a pu nommer par exemple les brebis galeuses au sein de ce parti, avec des propos diffamatoires, racistes, sexistes, islamophobes et autres qu'on avait déjà pu voir aux élections législatives en 2024 dernier. Alors, pour revenir au niveau local, justement, le Rassemblement National a fait véritablement une percée. Alors, on peut noter, à nouveau, sans être trop exhaustif, mais noter un très bon score du côté de Saint-Chamond, avec des scores à 20%, dans la Plaine du Forêt, du côté de Saint-Romain-le-Puy, puisque le RN arrive en deuxième position, à plus de 34% des suffrages exprimés. Il y a la commune de Saint-Galmier, qui devra compter avec un siège au conseil municipal. André-Dieu-Boutéon, dans la Plaine, qui comptera désormais 4 sièges attribués au RN. Et sans compter Chalin-le-Comtal, qui a vu hier, et pour la première fois donc, la victoire de l'extrême droite, qui sera donc désormais aux mains de Tom Rieu, qui n'était pas véritablement sous l'étiquette Rassemblement National et extrême droite, mais soutenu par le parti de Marion Maréchal. En tout cas, voilà, un résultat historique et donc une commune aux mains de l'extrême droite désormais dans la Loire. Et surtout un résultat historique, on va y revenir d'ici un instant et vous allez l'entendre au travers des diverses réactions. Résultat historique à Saint-Étienne où le Rassemblement National arrive en seconde position. Alors, certes, c'était hier les élections municipales. On sait que l'enjeu se situe aussi au niveau de l'agglomération. Ce sont aussi les conseils communautaires qu'il s'agit d'élire au travers de ces élections. Mais nous y reviendrons davantage à l'issue du second tour dimanche prochain. Alors, nous nous sommes concentrés et nous nous concentrerons aujourd'hui sur Saint-Étienne avec l'intention de justement donner le micro et tendre le micro essentiellement aux candidats, candidates qui seront présentes au second tour dimanche prochain. Voilà, donc ce fut chose plus ou moins faite hier avec les candidats, candidates qui étaient présentes en préfecture. Voilà, nous nous situions hier soir donc en préfecture pour assister aux résultats et puis pouvoir recueillir diverses réactions. Alors, pour le coup, vous n'entendrez que deux candidats, candidates pour ce second tour, puisque, vous l'avez entendu en sommaire de cette émission, le micro ne sera pas tendu, et c'est chose historique à l'extrême droite. Et hier, Dino Cinieri, pour la droite plurielle, nous y reviendrons, ne s'est pas rendu et n'était pas présent en préfecture hier soir. Nous avons donc pu recueillir seulement la parole de deux candidats sur les huit que comptait Saint-Étienne. On le rappelle, c'était quand même une exception dans la Loire. On va les présenter d'ici un instant et vous allez les entendre. Et puis nous allons élargir un petit peu le spectre, l'élargissement local et plus, avec les réactions et interviews d'un député et d'une sénatrice de la Loire, voilà, qui était présente hier soir en préfecture. Alors, pour la ville de Saint-Étienne, ce sur quoi nous allons nous arrêter pour poursuivre ce programme. Donnons tout de même les résultats les définitifs qui sont tombés très tardivement hier soir. On a bien cru à une quinquangulaire, on se préparait aussi justement à cette formulation. Il y a des sexangulaires qui vont avoir lieu un peu dans le pays. Quinquangulaire, ça aurait été une première à Saint-Étienne avec 5 listes. Finalement, ce sera 4 listes. Et oui, on a failli assister à le passage de la barre des 10% pour la liste, notamment emmenée par Siam Labiche à Saint-Étienne. Et finalement, je le disais, c'est hier soir assez tardivement qu'on obtenait les résultats définitifs du premier tour. Et finalement, ce sera bien une quadrangulaire à Saint-Étienne. Je vous donne les résultats en mille. Il y a Romain Brossard pour Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs, qui a obtenu 1,26% des suffrages exprimés. Éric Lejaouin pour Relevons Saint-Étienne, plutôt issu de la droite et de l'Horizon, a obtenu 4,93% des suffrages exprimés. La liste emmenée par Marc Chassot-Bénet, Grandir, Vivre, Transmettre, a obtenu 6,72% des suffrages exprimés. Siam Labiche, pour la liste Cœur Stéphanois, a obtenu 9,36% des suffrages. La France Insoumise, avec Valentine Mercier, a obtenu 13,29% des suffrages exprimés. Dino Cinieri, Ensemble pour Saint-Étienne, a obtenu 16,30% des suffrages. Retrouver Saint-Étienne, ou retrouver Saint-Étienne plutôt et précisément, la liste extrême droite RN, emmenée par Corentin Jousserand, a obtenu 18,97% des suffrages exprimés. Et Régis Juanico arrive en tête pour la liste Rassemblée Saint-Étienne, avec 29,16% des suffrages exprimés. Un taux d'abstention à 50,48% des inscrits et donc 49,52% de votants pour ce premier tour dans la Loire. Là aussi, à nouveau, très faible participation et forte abstention à Saint-Étienne, comme un peu partout ailleurs dans le pays. Alors, nous allons déjà, avant de faire le point sur ce qu'il en est à ce jour et cette heure, c'est-à-dire en ce milieu de journée de ce lundi 16 mars, lendemain de ce premier tour, retour sur déjà les réactions. Et puis vous allez entendre les premiers ressentis finalement et avis hier soir à l'issue de ce premier tour. Alors nous allons ouvrir avec la réaction en premier lieu justement de celui qui est sorti vainqueur de ce premier tour, Rassemblée Saint-Étienne, Régis Juanico, je le rappelle, qui représentait l'Union de la gauche. Et je vous propose de le retrouver de suite pour voilà, une première réaction. On écoute Régis Juanico. Bah, d'abord, remercier tous les Stéphanoises et les Stéphanois de nous avoir placés très largement en tête, avec près de 30% des suffrages exprimés au premier tour, loin devant le Rassemblement National, alors malheureusement, qui arrive en seconde position, très loin derrière les listes de la droite républicaine. Et bah, bien évidemment, être reconnaissant par rapport à cette belle dynamique électorale du premier tour. Mais comme vous le savez, il y a deux tours hein, aux élections municipales, et donc il va falloir concrétiser dans une semaine. Et nous appelons aujourd'hui l'ensemble des Stéphanoises, des Stéphanois, à se rassembler derrière notre dynamique électorale et à tourner la page tout simplement de ce qui s'est passé avec M. Perdriau ces dernières années. Oui, alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire avant même le premier tour, et donc d'être extrêmement clair par rapport à cette position-là, nous avons choisi, nous, de porter intégralement à la fois une liste, une méthode, un projet au premier et au second tour. On avait des désaccords de fond et de forme avec la France insoumise. Les électeurs, notamment de gauche, ont eu l'occasion de trancher cette question au premier tour en nous plaçant très largement devant toutes les autres listes. Et donc, bah, aujourd'hui, la question se pose pour tous les électeurs de gauche en particulier, mais pas simplement, tous les Républicains, de savoir s'ils souhaitent porter une vraie alternative, un vrai changement à la tête de Saint-Étienne en élisant notre liste Rassemblée Saint-Étienne et en nous élisant au second tour. Et donc, pas de combine politicienne, pas d'accord comme ça sur le bord d'une table. Je pense que tous ceux qui se sont présentés au premier tour doivent assumer aujourd'hui, soit se désister s'ils le souhaitent au niveau républicain par rapport au risque du Rassemblement National. Mais je pense que voilà, ils peuvent le faire derrière moi sans problème. Juste pour être clair, M. Juanico, faire front commun, justement, c'est aussi la culture locale. Donc là, vous ne répondrez pas à la main qui a été tendue par la France Insoumise. Mais la France Insoumise, elle est arrivée loin derrière, donc avec 13% des voix. Voilà, donc. Liste du coup au second tour, là, elle arrive en troisième position. Oui, mais je veux dire, chacun prend ses responsabilités. Et en fait, bah, s'ils souhaitent se désister de façon républicaine, comme c'est la règle à gauche, notamment par rapport à la liste la mieux placée par rapport au danger Rassemblement National, libre à eux de le faire. Nous avons dit dès le départ, je l'ai répété deux fois ces deux dernières semaines, de façon très claire, je l'ai écrit, que nous souhaitions maintenir notre cohérence au premier et au second tour. Donc moi, c'est ma responsabilité. Et par rapport à cela, je n'ai pas à m'adresser simplement aux électeurs de gauche ni de droite, mais à tous les Républicains, de façon à ce que ce second tour, Saint-Étienne, en sorte par le haut. Voilà. Et c'est ce résultat qui a été plébiscité par les électeurs, je tiens à le dire quand même ce soir, c'est, voilà, et on les remercie à nouveau. Alors on va prendre les choses progressivement, ne vous inquiétez pas. Ça c'était pour la réaction de Régis Juanico qui arrivait en tête hier à l'issue de ce premier tour à Saint-Étienne. 8 listes présentes en lice donc pour ces municipales, Union de la Gauche, hein, PS, écologiste. On attendra justement aussi la réaction d'une des colistières écologistes d'ici un instant. Alors juste auparavant, et pour en venir aux faits, voilà, déjà l'enjeu se situe surtout sur cette union ou non, de la gauche qui partait divisée, hein, je le rappelle, avec 3 listes, hein, Romain Brossard pour le Tout-Ouvrier, et puis donc l'Union de Gauche avec Régis Juanico et la France Insoumise avec Valentine Mercier, que justement, je vous propose là aussi de retrouver de suite avec une d'ailleurs des toutes premières réactions recueillies hier soir en préfecture. Hein. Valentine Mercier avec nous, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bon, je voulais juste déjà prendre quelques réactions quand même là à l'issue quand même de toute cette campagne et puis de votre candidature et de cette un peu expérience là en forme un peu de témoignage peut-être là sur ces municipales à Saint-Étienne. Oui, alors c'était une campagne très intense. On a fait plusieurs événements, des réunions dans des quartiers, des porte-à-porte, des tractages, des gros meetings. Voilà, on a défendu notre programme tout au long des derniers mois, un programme de gauche, de rupture, avec des mesures pour lutter contre la pauvreté, pour la dignité des logements, pour les écoles. Voilà, et on continuera à le faire quoi qu'il arrive. Alors là, on n'a encore pas les résultats définitifs. Néanmoins, déjà, peut-être vous, est-ce que vous avez déjà peut-être quelques tendances et un petit aperçu là de l'évolution un petit peu des résultats ? Alors, on a des tendances sur des premières centaines dans certains bureaux de vote. Donc, c'est pas encore représentatif. Là, a priori, on serait plutôt en deuxième place à gauche, avec des bons résultats pour la gauche globalement. On attend un peu plus de précision sur les écarts. Alors forcément, on va attendre ces résultats, mais on se projette déjà aussi sur le 22 mars et le deuxième tour, avec quand même cette situation à Saint-Etienne, et c'est d'ailleurs exceptionnel dans la Loire, de 8 listes présentes quand même, une gauche assez divisée, et on sait que là, dernièrement, vous avez tendu la perche, en tout cas la main, à la liste de Régis Juanico. Est-ce que vous avez eu réponse depuis, et qu'est-ce qui peut-être serait envisageable ou non, en tout cas votre intention et souhait toujours à ce niveau-là? Alors, la gauche est un peu divisée, la droite l'est encore plus. Mais nous, effectivement, on a tendu la main à la liste Rassemblée Saint-Etienne pour un front antifasciste, parce que ça nous semble la priorité absolue dans le contexte politique actuel. On n'a pas eu de réponse de leur part du tout. On va à nouveau les enjoindre à démarrer des négociations pour le deuxième tour. Suivant les résultats de ce soir, forcément, mais tout cela répond aussi un peu à des consignes nationales. Alors en fait, c'est pas tellement des consignes que des orientations. Effectivement, la ligne insoumise et claire partout, c'est un front antifasciste dans toutes les villes de France. Donc on est d'accord ici localement à Saint-Etienne. Après, on verra comment ça se manifeste, comment ça se traduit concrètement en fonction des résultats ici et de l'attitude de l'autre liste à notre égard. Sur cette question du front antifasciste, j'aurais aimé aussi avoir votre réaction quand même de ce qui s'est déroulé durant cette campagne, et notamment au niveau régional aussi, avec ce qui s'est passé du côté de Lyon, et ce qu'il en est d'ailleurs aujourd'hui. On a un autre narratif aujourd'hui qui est en train aussi de tomber, finalement. J'aurais aimé avoir aussi quand même votre réaction. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien que la minute de silence à l'Assemblée nationale est honteuse. Quel que soit le personnage, évidemment, ça justifie pas sa mort, mais ça permet d'avoir tous les éléments en main pour la suite. Et ce qui est sûr, c'est que, pareil, l'autorisation de la manifestation qui a suivi la mort de Quentin Derenck à Lyon avec des slogans racistes, fascistes, c'est très grave. On pense qu'il faut rester mobilisé et qu'il ne faut pas banaliser l'extrême droite et ses idées. Alors en revanche, sans la banaliser, mais aujourd'hui force est de constater que, et on le voit dans le département de la Loire, notamment sur une commune de la Plaine du Forêt, Châlons-le-Comtal en l'occurrence, où une liste extrême droite, pour la première fois, va être aux manettes d'une commune. Et on voit bien que toute la stratégie aussi de l'extrême droite est d'avoir le maximum d'élus en vue d'autres échéances importantes à venir, notamment au niveau national. Bon, alors certes, le front antifasciste est défendu, on l'a entendu de votre part, mais la situation est aujourd'hui qu'on n'a jamais vu une extrême droite aussi importante et présente. Oui, c'est effectivement très inquiétant. Nous, on reste mobilisés pour ne pas oublier qui est l'extrême droite, qui est l'URN, toutes les condamnations pour racisme, antisémitisme, incitation à la haine qui touchent une grande partie de leurs candidats. C'est malheureusement, il y a toute une sphère médiatique qui l'oublie, qui ne met pas ça en avant. Et donc nous, on est mobilisés pour le faire savoir et faire valoir un autre projet humaniste, égalitaire en France. On voit bien comment les choses sont très polarisées aussi, et notamment sur cette campagne. Depuis longtemps, je n'avais pas vu des affiches de gauche voire extrême gauche déchirées, par exemple, sur les panneaux de campagne. Et on voit cette polarisation extrême droite, extrême gauche, qui aussi, on l'a entendu au niveau national, fait énormément aussi réagir et couler d'encre. Quelle est aussi un petit peu, votre appréciation quand même aussi de cette situation, à la fois d'absence d'engagement politique et à la fois cette polarisation assez flagrante? Oui, alors cette polarisation, effectivement, elle existe. Nous, notre local de campagne a été attaqué, a été ciblé par des tags identitaires. Effectivement, il y a une désaffection de la politique, il y a beaucoup d'abstention aux élections, notamment parce qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport aux politiques qui ont été menées. En 2012, François Hollande qui est élu et qui se disait l'ennemi de la finance et qui a finalement fait le contraire de son programme, ça a créé du désengagement. Ensuite, en 2024, Emmanuel Macron qui ne respecte pas le résultat des urnes en ne nommant pas Lucie Casté première ministre alors que le NFP était arrivé en tête. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'être exemplaire et de ne pas décevoir pour montrer que l'espoir existe toujours et qu'il y a des personnes avec des convictions qui se battent pour défendre des idées, voilà, sans les renier. Julio Antonio Mella y Camilo Valentine, merci un instant pour la France Insoumise. Première réaction recueillie hier en quasi début de soirée du côté de la préfecture et que l'on retrouvait un peu plus tard, toujours au micro de Dio, au vu des résultats qui commençaient à se préciser. Alors justement, précision à nouveau avec Valentine Mercier à propos de ces résultats et de la position envisagée, envisageable à ce moment-là de la France Insoumise. Pas beaucoup changé. Par contre, on a quand même les résultats qui approchent du définitif. Et il y a quand même un bon résultat pour LFI à Saint-Etienne, rapport aux dernières, aux précédentes élections en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, c'est par rapport à la liste soutenue par la France Insoumise en 2020, c'est une énorme progression. Ça montre que notre mouvement a su se développer, faire valoir ses idées, son programme. C'est aussi la première fois qu'une liste est clairement identifiée comme insoumise au municipal à Saint-Etienne. C'est le cas dans de très nombreuses villes en France. Donc, ça représente des milliers de voix et c'est un bon score. Alors la grande question qui se pose, là a priori on pensait partir sur 5 listes, finalement on est sur une quadrangulaire a priori. Alors la grande question se pose sur 2 listes de gauche là, voilà, quelles vont être les stratégies? On l'a déjà évoqué, vous avez tendu la main à Régis Juanico, vous n'aviez pas eu de réponse. Maintenant quelle va être votre position, même si cette main tendue n'obtient pas de réponse, quelle va être votre stratégie quand on voit une extrême droite qui arrive en deuxième position à Saint-Etienne quand même. Alors, dans la mesure où Régis Juanico et sa liste sont arrivés en tête, on attend tout de même de leurs nouvelles. On étudiera leurs propositions et on va en même temps se réunir de notre côté entre colistiers et colistières pour décider collectivement de notre stratégie pour le second tour en fonction du risque de droite et d'extrême droite qu'on va évaluer. Donc vous donnez jusqu'à quoi? Mardi soir, là, ça va être le dépôt des listes et candidats pour ce second tour. On le saura bien plus tôt parce que en fait, il y a le dépôt de la liste d'un côté et il y a l'envoi des bulletins à l'impression, des bulletins de vote à l'impression qui doit se faire au cours de la nuit, en fait, aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Donc, demain, on en saura déjà plus. Et juste, toujours pour prendre aussi votre réaction quant à ces résultats-là, et notamment ceux qui n'obtiennent pas les 10% aujourd'hui pour être présents au second tour. Je pense à celle de la mairie et de sortante. Hein. Votre appréciation, réaction quant à ces résultats-là. Oui, écoutez, on ne peut pas faire comme si les 12 dernières années n'avaient pas existé et se présenter à nouveau en ignorant tous les scandales qui ont pu avoir lieu sous la mandature de Gaël Perdriau, dont Marc Chassot-Béné et Siam Labiche étaient des adjoints très proches. Ils l'ont défendu jusqu'au dernier jour. Évidemment, c'est sanctionné dans les urnes. Voilà pour la réaction de Valentine Mercier pour la France Insoumise hier soir en préfecture. Alors les choses ont quelque peu changé, mais on va y venir d'ici un instant. Quoique, à peine, les lignes ont bougé. Mais retour sur ces derniers propos à l'instant tenus au travers de cet entretien concernant les élus sortants de la majorité sortante. En l'occurrence, Siam Labiche et Marc Chassot-Bénier, alors qu'ils n'auront pas atteint la barre des 10% pour pouvoir être présente au second tour. Alors, on l'a appris dès hier soir, Marc Chassot-Bénier, pour la liste Grandir, Vivre, Transmettre à Saint-Étienne, il faisait part à la presse d'un communiqué à l'issue de ce premier tour, où il saluait le déplacement en nombre des Stéphanois et Stéphanoises qui... Notait-il, je cite, « ont manifesté une volonté de changement malgré le bilan positif et le redressement de la ville de Saint-Étienne qui s'est modernisée, développée et a gagné en attractivité des habitants, des étudiants. Je le regrette et j'en prends acte avec l'ensemble de mes colistiers. L'écume de l'actualité passée, le temps confirmera cette réalité et ce bilan bon pour Saint-Étienne et ses habitants. » Et il invite, en fin de se communiquer, les Stéphanois Stéphanoises à voter dimanche prochain donc pour ce second tour pour la liste de droite et du centre présente au second tour des élections municipales de Saint-Étienne. En l'occurrence, Dino Cinieri pour la divers droite, lui qui a plutôt appelé à tourner la page Perdriau. Donc en tout cas, Marc Chassot-Bénier maintient son intention et son appel à voter à droite pour ce second tour. En l'occurrence, pour Siam Labiche, autre conseillère sortante, ex-référente départementale du Modem, n'a pour l'heure pas appelé à consigne de vote, en tout cas pour donner consigne de vote pour ce second tour, même si, je le disais, ex-référente départementale du Modem qui... lui a soutenu et soutient la candidature de Dino Cinieri. Donc, il est fort probable que Siam Labiche appelle sans doute à voter pour la liste Union de droite et du centre Dino Cinieri, alliance de 6 partis, hein, je le rappelle. Dino Cinieri, ex-député de LR, hein, de la 4e circonscription, jusqu'à 2002 à 2023, et ancien élu dans l'Ondaine, hein, puisqu'il a été élu maire aussi, maire de Firminy, de 2001 à 2008. Ami de Laurent Wauquiez, faut-il le rappeler, voilà, et qui compte donc bon nombre d'élus centre-droit, droite au sein donc de sa liste. Voilà pour Dino Cinieri. Et retour donc à la France insoumise, et venons-en au fait, et bien du coup aux décisions prises, cette fois depuis hier soir, les choses ont bougé, hein, vous l'avez entendu, les choses allaient se tracter, se discuter, dans la nuit, et ce fut chose faite. Alors, on l'a entendu par les premières réactions, hein, discussion assez fermée possible, en écoutant tout à l'heure Régis Juanico. On sentait bien hier, hein, c'était palpable la tension entre ces listes de gauche, France Insoumise et Socialiste et Écologiste hier soir. Bon, un communiqué là aussi est tombé à 2h55, pour tout vous dire, cette nuit. Intitulé « Régis Juanico refuse l'union avec la France Insoumise au second tour à Saint-Étienne ». Là aussi, je vous fais part de ce communiqué de la France Insoumise. Ce dimanche 15 mars, je cite, « Vous avez été 5755 Stéphanoises et Stéphanois à voter pour le programme de la liste Saint-Étienne Insoumise. En 2020, nous étions à 3%. Aujourd'hui, nous atteignons 13,29%. Cette progression est nette et elle en dit long. De plus en plus d'habitants se reconnaissent dans le projet que nous portons pour notre ville. » Et donc, remerciements sont faits à l'ensemble des électeurs et électrices. Cependant, je cite encore une fois encore, le premier parti dans les urnes a été celui de l'abstention. Des milliers de Stéphanoises et Stéphanois ne se sont pas déplacés, souvent par déception, par colère ou par sentiment que leur voix ne compte plus. Nous avons participé aux discussions avec la liste Rassemblée Saint-Étienne dans l'objectif clair de construire une union de la gauche pour le second tour des municipales contre la droite et l'extrême droite. Le PS a immédiatement refusé toute fusion, quelle qu'elle soit. Aucune avancée sérieuse n'a été possible et la seule perspective qui nous a été proposée a été notre désistement pur et simple. Il est certain que l'équipe de Régis Juanico aura mesuré l'ensemble des risques et probabilités avant de prendre cet arbitrage. L'expérience montre en effet que le retrait d'une liste arrivée derrière ne garantit en rien le report de ses voix vers une autre au second tour. L'exemple de Villeneuve-Saint-Georges en est une parfaite illustration. Dans la mesure où ce retrait ne bénéficierait pas à la liste Rassemblée Saint-Étienne, cela reviendrait également à affaiblir la représentation de la gauche au second tour et au sein du conseil municipal au moment où elle essuie les attaques les plus dures et nourries depuis longtemps. S'il choisit de faire l'impasse sur une fusion avec nous et donc sur le report possible des voix de nos électeurs électrices, c'est qu'il estime être en position suffisamment solide pour emporter le second tour seul. Face à cette situation et fidèle à nos engagements ainsi qu'à nos programmes, nous avons donc décidé de nous maintenir au second tour. Donc voilà pour la position de la France insoumise qui va travailler à aller convaincre les 44 793 Stéphanois Stéphanoises, notamment dans la jeunesse et les quartiers populaires, qui ne sont pas déplacés hier dimanche à l'occasion plutôt de ce premier tour et qui appellent bien sûr à se mobiliser largement au second tour. et qui donc reste campé sur sa position pour les deux partis de gauche. Finalement, vous l'avez entendu tout à l'heure aussi. Donc voilà, pour ce qui est de faire barrage à la droite et l'extrême droite, un jeu dangereux du maintien, risque d'une division perdante au lieu et place d'un rassemblement gagnant. Bref, c'est la question posée. Mais voilà, force est de constater que les négociations n'ont pas abouti. Donc il faudra être prudent pour aussi cette semaine et ce second tour attendu dimanche prochain. Nous allons poursuivre, et il sera encore question finalement de cette désunion, discussion difficile des forces de gauche. Avec une autre réaction, et on va retrouver là une conseillère municipale sortante issue des bancs de l'opposition, du banc des écologistes, et qui donc là est sur la liste commune et unie de gauche auprès de Régis Juanico. Il s'agit de Julie Tocchi, que je vous propose également de retrouver. C'était donc hier soir en préfecture au micro de Dio. Mais on est satisfait, on a bien bossé sur le terrain, on s'est battu au maximum pour amener nos idées, les faire connaître aux Stéphanoises et aux Stéphanois. On a travaillé un programme qui est construit, qui est complet, qui est cohérent et qui répond aux besoins de la ville à l'instant T en fait. Deuxième place ce soir, c'est l'extrême droite qui arrive en deuxième position, inquiétante. On pensait à une quinquangulaire peut-être sur ce second tour. A priori, ça s'oriente vers une quadrangulaire. Là aussi, un peu vos appréciations là aussi de la situation. Le score de l'extrême droite est historique à Saint-Étienne pour des municipales. Donc oui, c'est très inquiétant. Là, on voit qu'ils ont envoyé un candidat qui tient plus la route que les candidats qu'ils avaient pu mettre en place auparavant. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir les scores que font les anciens partenaires de Gaël Perdriau, parce qu'en cumulé, ça fait quand même sur les trois listes où ils se trouvent, parce qu'il y a en effet Madame Labiche, Monsieur Chasseau-Bénet, mais aussi sur la liste de Monsieur Cinieri, il y a quand même des personnes qui ont travaillé avec Gaël Perdriau pendant très longtemps et qui ont mis très longtemps à se défaire et qui ont même refusé de démissionner totalement et qui ont permis son maintien en place. Donc si on cumule leur score, je trouve que c'est très inquiétant et que malgré toute l'affaire, malgré tout ce qui s'est passé, malheureusement, il y a encore des personnes qui votent pour cette équipe-là. En même temps, on a quand même une droite assez divisée, mais que penseriez-vous si les listes type Siam Labiche appelaient à voter pour la gauche et faire barrage à l'extrême droite et à Dino Cinieri à Saint-Étienne? Alors je ne me prononcerai pas sur les choix de Madame Labiche. Non, mais qui seraient vos soutiens éventuels? Elle fera bien comme elle le veut, mais en tout cas, nous, on ne va pas l'appeler à quoi que ce soit, en tout cas. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a aussi cette position, je ne sais pas quelle est la vôtre, au sein de cette liste unie là, de la gauche, de la France Insoumise, qui quand même réalise aussi un bon score à Saint-Étienne, assez historique aussi, finalement, près de 14%. Mais le choix de ne pas aussi fusionner ces deux listes de gauche à Saint-Étienne pour véritablement aussi faire barrage à la droite et extrême droite à Saint-Étienne. On voit que sur le fond, en fait, des idées, nos programmes sont quand même relativement proches. C'est peut-être dans la terminologie, comment c'est présenté, que c'est différent, mais finalement le projet, il est assez similaire. On n'a pas réussi à s'entendre malgré des mois et des mois de discussion, pas sur des questions de programme, mais plus sur des questions de gouvernance. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on n'a pas réussi à s'allier, et on va voir ce qui va se passer maintenant. Comment vous projetez dans un mandat à venir éventuel avec, on va dire une équipe sortante, Perdriau, qui ne serait plus de la partie, mais recomposée avec des élus de la droite extrême qui reviendraient sur les bancs de l'Assemblée municipale? Alors clairement, si on arrive à être élu dimanche prochain, on va avoir un gros travail à mener pour être sûr de pouvoir garder la ville le plus longtemps possible et pas seulement sur un mandat, parce qu'il y a énormément à faire. La ville, elle a souffert pendant 12 ans. On sait très bien que si on est élu, on aura un conseil municipal très compliqué avec l'opposition, évidemment. Mais ce sera à nous de faire en sorte que les Stéphanoises et les Stéphanois voient que nous sommes dans la bonne direction et que nous menons des projets qui sont pour le bien des habitantes et des habitants et pas pour des questions dogmatiques. Et ça, c'est très important. Les mots des sons sensibles, le 895 de Dio, émission spéciale consacrée aux résultats de ce premier tour des élections municipales à Saint-Étienne. Et bien sûr, Dion fait un peu plus et un peu mieux que la parité. Après Julie Toki, que l'on vient d'entendre à l'instant, après Valentine Mercier, d'ici un instant, nous allons élargir un peu le spectre avec deux autres réactions issues d'un, des paroles, vous l'entendrez, d'un député de la Loire et d'une sénatrice, Cécile Cukierman, que vous allez retrouver d'ici un instant en réaction, toujours au résultat de ce premier tour. Et vous allez entendre propos élargis à la question également de l'extrême droite. Bonsoir, on est avec Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. Suite aux résultats qui commencent à tomber, on a quasi une bonne partie des définitifs quand même sur la Loire, là, composée essentiellement de petites communes. Il reste encore Saint-Étienne, qui est la grande attente de la soirée, mais votre un petit peu l'appréciation de ces résultats tombés ce soir. Écoutez, je crois que malheureusement, en tout cas dans les villes, principalement dans les villes de notre département, et donc où il y avait plusieurs listes et des listes avec des nuances politiques, ce que nous pouvons d'abord constater, c'est tout de même une progression, à l'instar de ce qui se passe nationalement, de la droite, mais surtout de l'extrême droite, qui est en train aujourd'hui de faire des scores qu'elle n'a jamais fait dans notre département, et donc y compris dans ce département qui avait été épargné en 2024. Nous n'avions eu aucun député du Rassemblement national élu aux élections législatives 2024. Nous nous rendons compte d'abord que nous allons avoir un certain nombre de maires du Rassemblement national ou d'extrême droite. Nous avons un certain nombre de candidats présents sur des listes. Et puis surtout, ils sont aujourd'hui dans des positions de faire les arbitres dans les seconds tours. Et je pense notamment à la ville de Saint-Étienne. Oui, qui serait quand même le grand retour aussi, effectivement, de conseillers municipaux d'extrême droite, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs mandats quand même. Oui, je pense que c'est à l'image de ce que nous constatons nationalement. Louis Alliot est élu dès le premier tour ce soir à Perpignan. Bon, on ne va pas les énumérer. Je pense que nous avons d'un côté une forte abstention, une percée de l'extrême droite. Il y a depuis quelques temps maintenant un match politico-médiatique qui est imposé aux Français, dans lequel malheureusement une partie sont tombées. Il y a un désamour de nos concitoyens avec la politique, il y a un repli sur soi-même. Ceci favorise l'extrême droite, ceci favorise l'abstention. Je crois qu'il est temps, en tout cas pour la gauche, de se reprendre en main, de s'interroger. Et cela prend du temps. Il n'y a pas de leçons à donner, il n'y a pas de formule magique. Mais en tout cas, nous avons une responsabilité dans les mois qui viennent pour pouvoir offrir une alternative différente que celle que l'on tente à imposer aux Français depuis maintenant quelques années. Alors ceci dit, de quelle manière? Parce que il a les sénatoriales prochainement d'ailleurs, en septembre. On voit que la stratégie quand même de l'extrême droite est d'avoir le maximum d'élus en vue justement de cette échéance prochaine. Comment peut-être effectivement favoriser l'alternative, en tout cas tenter de faire front aussi? Bon, d'abord, les élections sénatoriales ne concerneront que la moitié du pays, donc je pense qu'elles demeurent tout de même des élections qui ne sont pas représentatives. Comme je l'ai dit, moi-même, je n'ai pas de réponse ni de formule magique. Je pense que, en tout cas, nous devons, dans les semaines qui viennent, nous réinterroger collectivement. Voilà, collectivement. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en ce mois de mars 2026, le match de 2027 soit déjà joué. En tout cas, moi, je ne m'y résignerai pas. Je m'y opposerai parce que je pense que d'abord, notre pays mérite mieux que ça. Je pense que notre département mérite mieux que ça. Je pense que les femmes et les hommes qui vivent y travaillent également. Et donc, c'est une nécessité, c'est un objectif. Cet objectif, il ne peut pas se construire seul. Cet objectif, il nécessite de la confrontation. Il nécessite parfois même des oppositions. Il nécessite y compris parfois même des engueulades. Je crois que c'est aussi ça que nous avons besoin de retrouver, de la capacité à faire du politique, parce que le politique, c'est la plus belle des choses. C'est finalement ce qui doit permettre à chacune et à chacun de vivre ensemble. Dans un pays où on se replie, on se désintéresse de la politique, je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'ouvrir grandes les portes, de réinvestir le monde politique, le monde, d'accompagner le monde associatif pour que les gens ne se replient pas sur eux-mêmes. Pas de recette magique, certes. J'aimerais savoir si, quant à ce qui s'est déroulé récemment du côté de Lyon et la minute de silence notamment, est-ce que vous y avez participé? Et on voit qu'aujourd'hui le narratif est en train un petit peu de se renverser. Est-ce que vous avez participé à cette minute de silence? Nous n'avions pas de session au Conseil régional. Vous parlez de la non, mort je parle de, oui, quoi oui, ouais, de, voilà, de Quentin Derenck. Quentin Derenck. Non, ça, il me semble que c'est une façon aussi d'une certaine emprise de l'extrême droite au sein même de nos assemblées, et notamment nationales, Parlement, Assemblée, Sénat. Non. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses. Sur ce point-là, plus particulièrement. Bien évidemment, il peut y avoir la mort d'un être humain, et cela n'est pas souhaitable. Deuxièmement, il y a l'orchestration, la récupération qui a été faite de cette mort, ce qui n'est d'ailleurs pas plus acceptable. C'est-à-dire que ceux qui dénoncent aujourd'hui un certain nombre de choses sont les premiers qui se sont jetés finalement sur la dépouille de ce jeune, jusqu'à aller afficher son portrait devant le siège du conseil régional, je le rappelle tout de même, alors même que l'on nous expliquait au moment où la République française reconnaissait à l'ONU l'État de Palestine, les communes qui le souhaitaient ne pouvaient pas afficher ce drapeau-là. Donc oui, il y a aujourd'hui de toutes les manières une volonté de la part de certains de diaboliser la gauche, d'entretenir des quiproquos entre les différentes formations politiques qui sont diverses, et cela a toujours été d'ailleurs comme elles le sont à droite, et il y a une volonté de radicaliser le débat politique, et c'est pour ça que je parle bien d'un débat médiatico-politique, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de médias, dans les mains de quelques-uns malheureusement, sont en train de réorganiser les consciences de nos concitoyens pour les amener finalement à la victoire qui est celle qu'ils souhaitent. Je crois que notre peuple, dans son histoire, dans son passé, y compris ici, dans notre département, ici dans la ville de Saint-Étienne, a su démontrer qu'il n'était pas obligé de suivre ce qu'on lui demandait de faire. Je crois qu'on a besoin de sursaut, on a besoin de contrer, finalement, c'est dur, puisque bien évidemment, quand vous n'avez ni le pouvoir politique, ni le pouvoir médiatique, c'est compliqué de se faire entendre, mais cela veut dire démultiplier les gestes militants, les gestes de proximité pour pouvoir répondre à cet impératif. Ceci dit, le pouvoir politique, vous l'avez là. Moi, je n'ai aucun pouvoir politique, du coup, je suis minoritaire. Donc, pour répondre à ma question, est-ce que vous avez fait une minute de silence au cinéma ? Non, je vous ai dit, je n'y étais pas. Voilà. Voilà, réaction à chaud hier soir, c'est le cas de le dire, avec Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire. Et nous allons terminer, oui, bien sûr, voilà, nous allons déborder de notre créneau imparti, malheureusement. Mais voilà, difficile de faire ce tour d'horizon en à peine 60 minutes. Alors, on va terminer avec une toute dernière réaction. Je le disais, on élargissait un peu le spectre au-delà des réactions de nos candidats-candidates, enfin des candidats-candidates. Réaction à nouveau là, pour prendre un peu aussi peut-être de distance, voire de hauteur, pourquoi pas, la réaction d'un député ligérien. Il s'agit en l'occurrence de Pierrick Courbon, alors que justement, lui-même a été conseiller municipal de 2014 à 2024. On rappelle qu'il a quand même été candidat donc aux élections municipales à Saint-Étienne, en échec à deux reprises, sur la liste de Maurice Vincent en 2014, alors qu'il était maire sortant, et puis donc en 2020, où Pierrick Courbon était lui-même tête de liste, et qui bien été investi du NFP pour les législatives en juillet 2023, remportant la première circonscription de la Loire. Eh bien, je vous propose justement donc de retrouver sa réaction. Toute dernière entretien, interview sur le 895 de Diou. Pierrick Courbon, député de la Loire. Votre réaction par rapport au résultat de ce soir ? Alors, sur la ville de Saint-Étienne, la liste voilà, de Régis Juanico finit largement en tête avec environ 30% des suffrages exprimés, loin devant la deuxième liste. Donc, c'est en soi effectivement positif et ça vient récompenser vraiment plusieurs mois de campagne intense sur le terrain avec une vraie dynamique. Malheureusement, personne ne peut se réjouir que la deuxième force politique à Saint-Étienne, ça soit le Rassemblement National, puisque c'est ce qui semble se dessiner. Et donc maintenant, on va repartir en campagne pour le second tour. On remarque que finalement, les Stéphanois ont vraiment voulu tourner la page de Gaël Perdriau, puisque toutes les listes qui comportaient des amis, des soutiens d'hier ou d'aujourd'hui de M. Perdriau ont été lourdement sanctionnées dans les urnes. Et finalement, maintenant, pour tourner la page, il n'y a que deux solutions. Soit il y en a un candidat du champ républicain qui est qualifié, qui est rassembleur, qui est compétent, ou l'extrême droite. Et je pense que par rapport voilà, à l'histoire de la ville, par rapport à nos valeurs, eh bien, les Stéphanois se reporteront le plus massivement possible sur la liste de Régis Juanico. Alors, juste réaction pour rester à Saint-Étienne. On vient de s'entretenir avec Régis Juanico qui entend se maintenir, bien sûr, enfin se maintenir, maintenir en tout cas la liste en l'état pour le second tour et ne pas répondre à cette main tendue par la France Insoumise au second tour. Comment vous aussi apprécié cette situation quand vous évoquez le Front National, Rassemblement National, qui arrive en deuxième position, donc deuxième force ici à Saint-Étienne, qu'on va retrouver sur les bancs de l'Assemblée locale et municipale, ce qui n'a pas été le cas depuis quelques mandats. La question se pose au vu aussi des résultats qui peuvent être recueillis au second tour. Oui, effectivement, mais la question, elle doit à mon avis être appréhendée de manière tout autre, c'est-à-dire que dans l'histoire de la gauche, il y a toujours eu une logique de désistement républicain de la liste de gauche qui arrive derrière une autre liste de gauche. Là, on a quand même un rapport de force qui est assez clair vis-à-vis de la situation à Saint-Étienne. Le seul candidat aujourd'hui qui est en capacité de battre non seulement la droite, mais surtout l'extrême droite, c'est Régis Juanico, et je pense que l'ensemble des électeurs du champ républicain, et je mets évidemment les électeurs de la France insoumise dans ce mouvement-là, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités et faire en sorte qu'aujourd'hui, il faut se reporter massivement sur le bulletin de vote qui permet non seulement de faire gagner la gauche, mais surtout de faire barrage à l'extrême droite. D'accord, pour la posture et la position, au-delà sur cette question quand même de l'extrême droite montante et je dirais presque installée, hein, on le voit aujourd'hui, hein, une première commune, je crois, dans la Loire, sur Châlins-le-Comtal, même si pas étiqueté en tant que tel, mais en tout cas soutenu par le parti de Marion Maréchal, hein, il me semble. L'idée, eh bien, celle-ci, et la stratégie pour l'extrême droite, d'avoir le maximum d'élus aujourd'hui, en vue eh bien, d'autres échéances électorales nationales, il y a les sénatoriales, il y a les présidentielles prochaines. Comment faire front, faire barrage, justement, à cette inquiétante montée de l'extrême droite? Alors effectivement, vous avez raison, il y a une très inquiétante montée de l'extrême droite. On le voit à Saint-Étienne, mais on le voit dans l'ensemble des communes du département et même au niveau national. On a quand même aujourd'hui plutôt une poussée d'une droite et d'une droite dure, d'une droite réactionnaire quand ce n'est pas l'extrême droite au niveau national. J'ai envie de dire qu'au-delà des urnes, on a aussi assisté à une contamination des projets politiques d'un certain nombre de candidats de la droite dite républicaine qui aujourd'hui n'avaient rien à envier parfois à l'extrême droite. Et donc effectivement, il nous faut véritablement résister. Ça veut dire faire élire les candidates et les candidats de gauche, les listes de gauche, quand elles sont en capacité de l'emporter. C'est le cas à Saint-Étienne. Et puis après, la gauche, dans l'exercice des responsabilités, a surtout une tâche immense, c'est de ne pas décevoir, d'assumer d'être de gauche et de rester de gauche, parce qu'on le voit bien, effectivement, semble s'écrire une histoire pour les années qui viennent. Il y aura d'un côté la gauche et les écologistes rassemblés, et sans doute de l'autre l'extrême droite. On voit bien que ils veulent faire des municipales un point d'appui pour les prochaines échéances, les élections sénatoriales, puisqu'ils vont aussi rentrer dans beaucoup de conseils municipaux. Et puis, bien évidemment, l'élection présidentielle, qui va être une autre paire de manches, si vous me passez l'expression. Donc, il faut non seulement être compétent dans l'exercice des responsabilités, fidèle au projet politique sur lequel on a été élu, tout simplement que la gauche n'oublie pas d'être de gauche. Oui. Comment on prend en compte ça ? Dans justement ensuite des municipales, par exemple là, qui vont accueillir de nouveaux conseillers municipaux, notamment du Rassemblement National. Comment on le pense aussi dans son projet et dans, je dirais aussi, la pratique d'avoir les rênes aussi là d'une ville dans cette composante-là ou avec ces composantes-là? Alors on a déjà connu l'extrême droite présente au conseil municipal de Saint-Étienne. De toute évidence, ça va être le cas à nouveau pour le mandat qui vient. Je pense tout simplement qu'il faut à la fois entendre la colère qui s'est exprimée dans les urnes, les raisons fondamentales pour lesquelles aujourd'hui l'extrême droite, dans une ville comme la nôtre, qui est une ville ouverte, qui est une ville accueillante, qui est une ville avec une tradition de multiculturalité, aujourd'hui se retrouve finalement à porter en deuxième position dans une élection l'extrême droite. On a un certain nombre aujourd'hui de sujets de préoccupations majeures des Stéphanoises et des Stéphanois sur la question de l'accès aux soins, sur le recul des services publics, sur la question des commerces et de la sécurité évidemment. Eh bien, tout simplement ensuite, il faudra se retrousser les manches au sein du conseil municipal et surtout que la ville de Saint-Étienne soit un véritable bouclier qui est véritablement une digue étanche vis-à-vis du Rassemblement national, en respectant bien évidemment la légitimité démocratique qui est celle des futurs élus du Rassemblement national, évidemment, en respectant aussi les électeurs qui ont fait ce choix-là, mais en leur montrant qu'il n'est pas bon pour Saint-Étienne et en montrant effectivement que d'autres politiques publiques sont en capacité capacité de répondre aux problèmes qui ont été soulevés, mais avec bien évidemment d'autres solutions. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire qui s'écrit, l'histoire qui se réécrit. Moi, je pense juste à ce qui s'est passé ces dernières semaines, et notamment au niveau régional aussi, et à Lyon, et le décès de ce garçon, Quentin Deranc. On a vu ce qui s'est passé dans la foulée, on a vu le narratif qui s'est imposé à ce moment-là. On voit comment il y a un retournement de situation aujourd'hui. Vous êtes député, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement a fait une minute de silence. Aujourd'hui, certaines appellent à véritablement des excuses, d'abord des médias dominants, d'avoir aussi relayé ce narratif-là, finalement. Et puis, au niveau de nos responsables politiques, dont vous êtes. Il est très clair, effectivement, qu'on a un renversement d'un certain nombre de valeurs. Et en oubliant de dire aujourd'hui que la violence politique, elle vient historiquement, très majoritairement de l'extrême droite, et que s'il y a des mouvances dites antifascistes qui se sont constituées, c'est bien en réponse à l'existence de mouvances fascistes. Et donc il ne faut pas du tout, effectivement, inverser finalement le processus et quelque part la chaîne de responsabilité. Par rapport à cette affaire lyonnaise, moi je redis que la violence en politique, d'où qu'elle vienne, à l'encontre de qui que ce soit, est inacceptable, n'est certainement pas une solution et certainement pas une réponse, et certainement pas acceptable. En revanche, je pense effectivement que la présidente de l'Assemblée nationale a quelque part été très mal inspirée de rendre un hommage de la nation, de la représentation nationale. Quand on voit aujourd'hui ce qui commence à sortir sur un certain nombre de propos, de publications, d'écrits de l'intéressé, on ne peut que pleurer toujours la mort d'un homme, évidemment. Et il faudrait peut-être ne pas oublier aussi les idées qui étaient les siennes, les propos qui étaient les siens et les idées qu'il véhiculait. Alors, vous avez fait, vous, cette minute de silence ? Oui, on l'a faite, parce que l'ensemble de la représentation nationale... Moi, je ne sais pas s'il faut le regretter, en tout cas... D'autres décès qu'il y a eu dans d'autres luttes. Ce qu'on a dénoncé au moment où le choix s'est fait, c'est qu'effectivement, il y avait quelque part deux poids, deux mesures, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des victimes de la violence politique de l'extrême droite et des morts, et il y en a eu plusieurs dans les années qui précèdent, jamais l'Assemblée nationale n'a rendu hommage. Nous avions insisté pour que cette minute de silence, elle ne soit pas à la mémoire d'un homme seul, mais bien à la mémoire finalement de l'ensemble des victimes de la violence politique. Après voilà, c'est compliqué aujourd'hui de dire il aurait fallu, il n'aurait pas fallu, etc. Simplement peut-être voilà, qu'il y a un enseignement vis-à-vis de ça, qu'on arrête de réagir toujours dans l'émotion, qu'on essaye de garder un petit peu de hauteur de vue sur la réalité de la violence politique de l'extrême droite qui est aujourd'hui un fléau à Saint-Étienne comme ailleurs. Mais ce qui est regrettable tout de même, enfin je veux dire, cela aussi démontre et contribue à cette banalisation, notamment aussi de l'extrême droite, avec une certaine emprise, à la fois dans les médias, à la fois dans le politique, finalement. Ce que je dis régulièrement, c'est que malheureusement, ce qu'on appelle l'union des droites, avant de se faire au niveau des appareils politiques, avant de se faire potentiellement dans les urnes, elle est déjà en train de se faire dans les idées. On a aujourd'hui, je disais tout à l'heure, des candidats dits de droite républicaine dont les discours et les projets politiques n'ont rien à envier à ceux qui étaient encore ceux de l'extrême droite il y a quelques années. On a une contamination de l'idéologie d'extrême droite dans des champs extrêmement importants de la société. On l'a dans le domaine des médias, évidemment, mais on l'a dans tous les champs de la société. On le retrouve dans l'entreprise, on le retrouve aussi dans le milieu associatif. Et c'est pour ça qu'il faut que toutes celles et ceux qui se réclament du champ républicain, et notamment du camp de la gauche et des écologistes, soient véritablement, finalement, dans une situation de résistance. Moi, j'ose le mot, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Comment on résiste non seulement à ces vagues brunes, mais surtout à la contamination des idées, y compris voilà, chez les plus jeunes aujourd'hui, où on a des discours chez les jeunes qui sont extrêmement inquiétants pour l'avenir. Donc c'est une bataille à la fois pour l'école, pour la culture, pour tout ce qui fait finalement notre vivre ensemble, notre vie associative. Mais effectivement, il faut qu'on ait conscience de la gravité de la situation. Voilà, quand on regarde ce qui se passe partout à travers le monde, la montée des populismes, la montée des nationalismes, c'est aux portes de la France. Hein. Voilà, on a un certain nombre de pays qui ont déjà basculé. De nombreux indicateurs montrent que malheureusement la France pourrait être l'un des prochains pays à basculer, et donc il faudra qu'on ait des îlots de résistance, et j'espère que la ville de Saint-Étienne sera l'un de ces îlots dans les mois et les années qui viennent. C'était bien le sens de ma question, de savoir comment faire. Oui, c'est là le grand enjeu. Oui, non, mais après, je pense qu'il n'y a pas de solution clé en main et de solution miracle. Moi, je pense que pour répondre à la colère qui s'exprime, il faut en comprendre finalement les racines, et donc il faut qu'au niveau local, on soit en capacité d'agir sur tout ce qui aujourd'hui nourrit finalement quelque part un sentiment de déclassement, l'impression qu'on vit moins bien à Saint-Étienne, qu'on ne reconnaît pas notre ville, et donc ça passe par lutter contre le recul perpétuel des services publics locaux. Ça participe aussi sur des logiques de lutte contre la désertification commerciale de notre ville, puisqu'on a l'impression que Saint-Étienne se paupérise, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien qui vaille à Saint-Étienne. Et donc là, je pense véritablement que au titre de ce qu'on appelle tout simplement le vivre ensemble, le cadre de vie, une municipalité a la possibilité d'agir, et c'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Voilà, à l'instant, dernière réaction, celle de Pierrick Courbon, député. J'ai dit tout à l'heure, depuis 2023, c'est bien sûr depuis 2024, la dissolution de l'Assemblée en 2024, et où il avait obtenu l'investiture du nouveau Front Populaire pour les élections législatives, et où il était arrivé d'ailleurs largement en tête, élu le 7 juillet 2024, avec 60,39% des voix dans la première circonscription de la Loire. Et puis qui a l'expérience aussi municipale, je le disais, puisque... Il a été, bien sûr, la liste de Maurice Vincent, c'était lors de sa candidature à l'issue de son premier mandat, c'était donc 2008-2014 pour Maurice Vincent, et qui a perdu les élections en 2014. Et puis ensuite, Pierrick Courbon était tête de liste en 2020, élection qu'il avait perdue également, et qui était devenu alors chef de l'opposition. Ou responsable de l'opposition donc sur les bancs de l'Assemblée municipale. Voilà pour cette émission et ce programme spécial premier tour de ces élections municipales Focus Stéphanois à Saint-Étienne. On le rappelle, peu d'expérience municipale socialiste ou en tout cas de gauche. Il y a eu certes Joseph Sangdols pour être là dans la gauche communiste, le socialiste Maurice Vincent. Et puis, eh bien, voilà, ce seront pour l'heure les seules expériences de gauche en attendant peut-être une nouvelle expérience municipale à gauche unie pour ce second tour et ces prochaines semaines. Résultat attendu ce dimanche 22 mars, alors que, je le disais, eh bien, c'est... Les choses peuvent encore bouger hein, d'ici cette semaine, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'heure, en quadrangulaire à Saint-Étienne, de liste de gauche et les filles qui se maintient, PS. Et puis donc la droite unie de Dino Cinieri, ainsi que l'extrême droite RN et alliée avec Corentin Jousserand. Donc, affaire à suivre, campagne à suivre qui a lieu cette semaine. On dit souvent, en premier tour, on choisit, deuxième tour, on élimine. Et bien, voir ce qu'il en sera dimanche prochain dans notre ville-préfecture. Je rappelle que le nombre de sièges à pouvoir au conseil municipal est de 59. Parmi ces 59 conseillers municipaux, 42 seront amenés à siéger au sein de Saint-Étienne Métropole et seront élus lors donc des prochaines élections municipales. Chose à attendre. Affaire à suivre. On termine en musique très rapidement pour boucler. Vous pourrez aller d'ailleurs retrouver les très bonnes valeurs qui seront aussi bienvenues finalement pour boucler ce programme et pour poursuivre et terminer cette fin de semaine, mais poursuivre en mode peut-être vote ou non le dimanche suivant, ce vendredi à 19h à l'Amicale Laïque de Tardy, oui, qui arbore ces belles valeurs sur le fronton de la Seine. Je vous laisserai les découvrir. Allez-y, ce sera le premier jour de printemps, ce vendredi 20 mars. À partir de 19h, un premier concert d'un nouveau groupe stéphanoise, les Glowies, avec des gens en revanche bien expérimentés là, puisque sévissant au sein de diverses formations, passées ou actuelles d'ailleurs, qui vont de Zero Gain à Protex Blue Brand New Weight, les Glowies, en première partie de Vanilla Blue, le groupe qui est revenu avec un nouvel album et qui sera donc fêté ce vendredi soir. C'est en soutien au Kickboxing Club Solor. Vanilla Blue, Back to First Nights, et on va bien finalement, oui pourquoi pas, suivre leur peut-être aller invitation au travers de cette 8e plage, à penser que les choses peuvent changer avec le temps, allez ben pourquoi pas, un signe peut-être, time changes everything, tout bon chez vous, portez-vous très bien, à très bientôt, ciao, bye. she keeps us alive. Time changes everything. Brotherhood changes faces. Friendship keeps us alive. If I can get along with you, if I can fix again the stuff, if I can fix again the stuff, it will be easier now.